jour il faisait froid, dans mon cœur bien en moi, tu as cherché, je crois. Nous voulions juste un soir, une autre belle histoire, mais tout changea en moi. Toi, toi, toi, tout en toi, je veux tout. Toi, toi, toi, tout en toi, je veux tout. Toi, toi, toi, tout de toi, je veux tout de toi, je veux tout de toi. Il faisait chaud dans mon cœur bien en trop. J'ai ouvert mon enclos. Je voulais juste rire, une nouvelle envie de vivre. Mais tu préfères mourir. Toi, toi, toi, tout de toi, je veux tout. Toi, toi, je veux tout, toi, toi, toi, tout de toi, je veux tout de toi, je veux tout de toi, mais je sais, j'ai rompu notre promesse de rester bien stable, de rester sans faire de nos cœurs un piège. Sommeil les rêves, mais sans la tristesse, sans cesse. Toi, toi, toi, tout de toi, je veux tout. Toi, toi, toi, tout de toi, je veux.